96.2. La FM en couleur. Si vous venez de nous rejoindre, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne jusqu'à 20h. Le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, des nouveautés, mais aussi des coups de cœur et puis, oh, des petits trucs un petit peu nostalgiques parce qu'on aime bien ça sur le 96.2. Très, très bonne soirée à ma compagnie. ville, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. L'el patsubo, ugume pour travel. Kunyal bon sikel, si joué wa tri avel. Ou méprisé, ou la gué nan deye Isabel. Quelques jours passés, ou pas même bar yon m'appel. Kunyal tande, ki yon lak ne ka se vivianel. Vice Majestic sur le 96.2 de votre émission Groupe Tropical. Tu parlais de petits coups de cœur nostalgiques. Tout de suite, c'est un petit message, pas un petit message, une petite pensée plutôt, Mikaben. C'est normal, ok? Jeune garçon, il n'est pas bon à aborder, mesdames. On ne va pas là, mais attendez ça. qué idioma que hablas cuando haciendo el amor. Dis-moi quelle langue tu parles quand tu fais l'amour. Le préjugé qui est sous la terre fait que les hommes n'ont pas qu'à j'en vivre en paix. Problème religion, problème couleur, on ne fait oublier si nous c'est fait. Et pourtant les nappes caressées, c'est un seul homme nous tout parler. Son seule façon nous fait l'amour, son seul feeling nous consentit. Quelle que soit nationalité, c'est même sensation, c'est même vie. Et quel que soit l'amour palé, son seul façon de faire l'amour. Quelle que soit nationalité, le feeling, c'est où tomber caressé. Nous te mettre pas palé maintenant, nous font genre communiquer. L'amour sans langage universel, c'est un vacuum qui naturel. Son sensation qui s'en paraît, son trait d'union en tonnerre. Quelle que soit la nationalité, c'est même sensation, c'est même fille. Et quel que soit le groupe allé, son seule façon de faire l'amour. Quelle que soit la nationalité, la feeling monte ou tombe caressée. Nous t'aimer pas parler maintenant, nous font genre nous communiquer. Dim ki lang ou pale, le wap fè l'amour. Pale kreyol. Dim ki lang ou pale, le wap karese. Pale kreyol. Dim ki lang ou pale, le wap fè l'amour. Pale tintin. Dim ki lang ou pale, hey! Kouman! I wanna sex you up. No. vi m'empêche le palé. Moi gonti chéri, lè m'empêche le chéri, li dim li paralysé. Li tombe gade yon, li pa kapa hale, li tombe soui ba mwen. Plein les oreilles. Émission Groove Tropical, là, je sais que ça vous a certainement rappelé beaucoup de souvenirs. C'était avec rien du tout. J'étais toute seule. C'était avec coup de pouce. Oh là là là là. Je suis un peu fatiguée, moi. Je sais pas. J'ai du mal à me mettre dans l'ambiance quand même. 86,2, c'est la bonne fréquence justement pour avoir le maximum de soleil. On continue comme ça tout de suite avec Mona Lisa. Et puis après, ben, on retrouvera une petite page compa. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée en compagnie. Avec toi, je n'ai pas peur de marcher dans le noir. J'avancerai même à l'aveuglette. Ensemble, on est en train d'écrire notre histoire. Le puzzle est complet, la pièce qui manquait est posée là, mon cœur meurt. Laisse-moi être ton honneur. Ma fin est vraie, je l'avais déjà dès que j'ai su ce que tu ressentais pour moi. Tu sais que c'est moi ta Lisa. Pas fou, mais tu sais. 96.2. La FM en couleur. Sur ta ligne, et ça t'intéresse, je t'ai fêté. Mais bon Dieu, à ça, je t'ai fêté. Fêté, pour mes femmes de sortir comme ça. Je t'aime, t'es entouré à joie. Définition, y'a réunion. Pour faire dans l'homme, on gagne la foi. L'homme, on prie, même. la dame, qui met la dame. Qui met une balle de papier, même si chaque jour vous met. Qui met des pieds légers, nous aimons tout par ses sœurs. C'est mon femme liée. Pas bon conseil, qui t'aime d'amour. C'est mon femme liée. Pas bon conseil, qui t'aime d'amour. Chacun gomun d'amour. Chacun gomun kapofu. Chacun gomun. C'est dans même l'école nous t'ayons, pas besoin du genre d'habiter. Jusqu'à ce que moi voyage, c'est qu'on fait va-et-vient, pas qu'être un bout sacré. Moi, ça fait des embâcs à mettre tes pieds. L'amour kidnappé, et il est balisé. C'est même pas ces mamans mourir. C'est mon maman pour me t'aider avec lui. Mais l'itime, c'est lui pas ma chance. 18h-20h, chaque jeudi sur Arc-en-Ciel. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Trop de gens avaient quitté par au clair. Oh, j'ai l'air d'une victime, mais t'es passé en délire. Je sais trop ce que c'est d'être populaire. Belle. Oui, mon amour, que tu es belle. Tu es ravissante. Isabelle, que tu es belle. Oui, mon amour, que tu es belle. Yo, passez à Paris, que c'est le number one. Yo, passez à Boston, que c'est le number one. Yo, passez à New York, que c'est le number one. Passez à Pétionville, que c'est le number one. Yo, vini la Guadeloupe, que c'est le number one. Passez la Martinique, que c'est le number one. Yo, passez la Guyane, que c'est le number one. Yo, c'est le number one. Depuis l'enfant, n'a souffri pour moi. Il pas de monde qui cap remplacé. A mon maman, pas de bagaille, manicure, pédicure. Oh là! Ou mandé yon lavage. Oh là! Ou mandé yon retouche. Oh là! Permanence, permanent. Oh là! Mandé mon Dieu pardon. Oh là! Mandé mon Dieu pardon. Oh là! Manicure, pédicure. Oh là! Ou mandé yon lavage. Oh là! C'est pas fini, hein? Écoutez! l'autre pays. M'a compté jour pour nous contrer. N'a pas imaginé jour nous pralouer encore, ouais encore. Du pas facile la nostalgie. Fait qu'elle nous veut tous les zombies. Ma vie goûte celle ou pour bon, moi la vie. C'est pas mon moi pas causé. Ni l'autre beauté ne pas croisé. Mais nous pas, vivre ne pas connecté. Même l'aime ta essayé. Présence tout un couloir que chevauché. Chez nous c'est femme qui est clé. Pas la caille c'est la balle. Pas calé. dans l'univers béni, qui permet tout réussir, tout pas faire bouger, si la quitte est accompagnée. Même genre,

Tropicale, chaque jeudi entre 18h et 20h, la meilleure musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Oswald, extrait de son tout dernier album, le titre Toxique. On continue comme ça avec, bon, des titres un petit peu, ouais, c'est des nouveaux thèmes, bien que quelques mois quand même qui sont sortis, mais en tout cas ça fait plaisir d'entendre ces bons morceaux, dont celui interprété par Jessie Delleval, à la limite de l'interdit. Tout de suite après, ce sera Décollé avec Mewen. 18h-20h, c'est Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. ce que font les livres, tellement tu as mis tes yeux en moi. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. ka telefon nanpa we wekri Ekri mwen Mwen konen ke pa wan pou dim Li fe ma jam tante moun ap dekri La vi mwen Toutou mwen pa pe jwe vitim Sou etenet la se pa di kouplim Soutou mwen Ton konen mwen plis ke tou Sot ta pale yo Telephone number when we cream Ekri mwen Mwen konen ouke pa wal pou dim Li fe ma jam tante moun ap dekri La vi mwen Toutou mwen pa pe jwe vitim Sou etenet la se pa de kouplim Soutou mwen Ton konen mwen piske tout son kapale tiempo se vaya y no te veo y es que nena dime si puedo verte ahora o si algún día lo repetimos estando a solas solas que cuando yo siento tus besos vuelvo a la vida y queda el sentimiento quiero negarlo y no puedo no veo salida encerrado yo siento que estoy me provoca, que tiene el talento, que nunca te equivoca, cuando lo estamos haciendo y de espalda te coloca, dale pa' mi apartamento, te espero adentro, ya tengo bien estudiado el procedimiento, pa' hacértelo más, no perdamos tiempo, quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro, pa' mi apartamento, te espero adentro, ya tengo bien estudiado el procedimiento, pa' hacértelo más, que no perdamos tiempo, quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro. En el carro ayer que de frente y después al revés Siempre era más de tres Por la noche, en la mañana y en la tarde otra vez Contigo yo me activé Dígame, ¿cuándo te llamo? ¿Dónde le llego? Dime si Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Victor Martinel avec ce titre démaqué. Ben oui, un titre qu'il a réalisé avec Nestor Azero. En tout cas, ben, ça fait du bien quand même de retrouver des vieux trucs. Oh, c'est pas si vieux que ça. Je crois que ça doit durer il y a 2-3 ans. Ouais. Et c'est sorti de mon frigo un petit peu. Pas trop froid. Allez, jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est votre émission Groove Tropical. Tout commence à se loquer. Ah, j'ai juste regardé, j'ai tout de suite vu que le bas de son doigt m'appelle, elle est chaude. Elle a envie que je vienne et qu'on profite ensemble. Elle a envie que je fasse des choses. Moi juste qu'on voit une fantasme ton dos. J'assume ma life, donc assume ton dos. Y'a pas de love et sans travaux. J'suis manipulé par ta faute. À son body, toujours dans le tempo. Toujours prêt pour quelque chose. Ma ayo. Bye. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sur le 86.2. La suite, encore quelques petites minutes à passer ensemble. La suite avec Pierre Lama. C'est une nouveauté également sur votre, dans votre émission Groupe Tropical. ta chaleur. C'est pour toi pendant des heures. Ça pourrait toutes ces nuits de douceur. Et même s'il faut s'enfuir au bout du monde, je veux te suivre. Faire de toi comme une île, mon paradis et mon exil. Emmène-moi avec toi. Baby, garde-moi près de toi. Emmène-moi avec toi. Là-bas. Emmène-moi avec toi. Je veux te garder près de moi. Emmène-moi avec toi. Là-bas. Je voudrais rester là des heures. Près de toi, plus rien ne me fait peur. Je pourrais rester là des heures. Près de toi, une heure. Presque 20h sur la FM, tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain pour un spécial Noël, justement. Tiens donc, on va faire la fête. Sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical, on retrouve dans quelques instants Camille, avec son émission en espagnol. Et puis, bien, moi, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Merci de votre fidélité au 96.2 et à la semaine prochaine. Bye bye. Mwen vol kampete, senti la tèt tremble. Mè si se pa ase, se pa se moun ki plope. A ye pa evosi, la ou ka kwe an moun ki. Azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, azi bibi, pour moi et c'est pour ça sont toujours dans chez moi et la vie c'est difficile si ça pas la vie moi l'aime que manger comme pour moi bien sa belle. Aller à la racine, le bras de mes propres yeux. On n'a mis pas de fierté, l'eau coulée dans les yeux. Je ne me peux trembler, des sentiments. Hola, buenas tardes a todos. Quisiéramos decir que estamos ahorita juntos y nos vamos a pasar como una hora y media juntos. Y me voy a presentar a una artista contemporánea de España, de Alicante. Y ya, nos vamos.